قال الشيخ سعدي رحمه الله et on finit cet exemple avec avec هذا قال واما اطلاق الحريه لهم وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه فمن اعظم الظلم والضرر عليهم اما appeler à la liberté اطلاق الحريه الحريه المطلقه ça contredit tout ce qu'on vient de voir. Il y en a ceux qui appellent à la liberté, il ne pourra plus appeler au bien et interdire le mal. Il y en a, t'es libre. L'alcool, boire de l'alcool, c'est haram. Et ça implique des mafasid, un mal énorme. Liberté, il fait ce qu'il veut. C'est haram pour lui, il n'y a plus de halal ou haram. Il est libre. C'est pour ça que Cheikh Saadi, il a appelé hadha fa min a'dam al-dhulm wa al-darar alayhim. Il y en a cette liberté, al-an que le kuffar, ils essayent de propager, c'est pour combattre les fondements de ton dîn. T'adores Allah, Azza wa Jal, ou tu ne l'adores pas, tu es libre. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créé que pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَهَذَا, celui qui appelle à la liberté totale, il va dire, il fait ce qu'il veut. Bal, كَذِيرْ مِنْهُمْ, ils vont combattre ceux qui adorent Allah, Azza wa Jal, seul. Il y en a, leur liberté, c'est deux poids, deux mesures, quand ça les arrange. فَالْحَذَرْ الحذر من هذا الفكر الشيخ سعدي رحمة الله عليه تعلمون أن الشيخ سعدي لمور يدي زني c'est le شيخ de العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين الشيخ بن عثيمين il est mort il y a quelques années الشيخ سعدي il est mort bien avant et à son époque à la moitié du siècle dernier à son époque déjà il a vu et connaissait les mafasid de الحرية الشيخ سعدي il n'a pas vécu à notre époque أن هذا الفكر انتشر جدا et ça a provoqué un char azim fil umma yaqul fa min a'zam adh-dhulm wadh-dharar 'alayhim wa 'ala al-mujtama' khususan al-huquq al-wajiba al-matluba shar'an wa 'aqlan wa 'urfan ça contredit les fondements de notre dîn li'anna tu vas appeler au khayr que c'était dans le kitab wa sunna tu vas mettre en garde contre le char il va te dire je suis libre tu peux pas m'imposer alors que Allah subhanahu wa ta'ala il lui impose وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré, il a ordonné que tu l'adores seul et c'est lui qui t'a créé de quelle liberté tu parles يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعْ بِإِذْنِ اللَّهِ est-ce que tu es libre totalement là بل si tu veux وَلِلَّهِ الْحَمْدُ profiter de ta vie et tu veux être libre حقاً adore Allah subhanahu wa ta'ala لأنه تعبد لله عز وجل et Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui t'a ordonné tout ce qui t'a interdit c'est pour ton bien fait tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et t'es libre a été libéré de عبادت الشيطان et de l'ahوى et de ton nafs لأن ceux qui appellent à la liberté on va lire le kalam de Cheikh Al-Fawzan mais في الحقيقة c'est des esclaves de leurs shahawat ils prétendent être libres et wallah ils ne sont pas libres بل يسوي الشيطان et ils sont manipulés والعياذ بالله اما المسلم il est libéré de tout ça et il adore celui qui l'a créé قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاحذر اخي الكريم de ce fikr on est libre tu peux pas nous imposer reviens au Coran si t'es un musulman et tu verras que Allah t'a ordonné des choses il t'a interdit des choses de quelle liberté tu parles liberté totale Est-ce que ça va t'être utile yawm al-qiyama quand Allah subhanahu wa ta'ala il va juger l'ibad est-ce que tu vas dire je suis libre si je veux je suis jugé si je veux je ne suis pas jugé na'oudou billah min hada al-fikr Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-malik c'est le qahhar c'est le jabbar et il jugera chacun qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dans un maqal قال إن الإنسان عبد لله فليس هناك حرية مطلقة لأن إلا عند الملاحدة فليس هناك حرية مطلقة إلا عند الملاحدة أي liberté totale je fais ce que je veux si je veux j'adore pas Allah عز وجل si je veux je fais tous les interdits ça c'est فكر الملاحدة والعياذ بالله les athées ceux qui n'ont pas d'iman بالله ولا بالرسول ils n'ont pas de dîn ثم هم ليسوا احرارا لانهم يكونون عبيدا لاهوائهم وشهواتهم في الحقيقه وصدق حفظه الله انهم ليسوا libres بل c'est des esclaves de leur passion et de leur shahawat. Il ne peut pas s'empêcher de faire certaines choses. Il n'est pas libre. Il serait libre, il arriverait à faire la part des choses. كثير منهم فتنوا بالنساء وبالأموال et son nefs. Il ne peut pas faire une raka'a لله عز وجل. Il n'est pas libre. C'est un esclave. قال فمن لم يكن عبدا لله صار عبدا للشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله. Et celui qui adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas عبد لله عز وجل. Il n'applique pas din Allah عز وجل. Il s'écarte du din. ففي الحقيقة c'est un عبد للشيطان. Qui s'en rend compte, amla. Fait, il n'est pas libre. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة من هذا الفكر.